الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شخص ساخ، nous allons terminer aujourd'hui, inshallah ta'ala, la lecture et l'explication du livre de l'imam Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala, intitulé Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashru'a. Chapitre sur les politesses et les nobles caractères, les nobles comportements légiférés. Et nous allons voir certains comportements sur différents sujets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cités à la fin de cet ouvrage. Dans le premier passage que nous allons voir aujourd'hui, il a mentionné une question nous indiquant l'importance de soigner les mosquées et de ne pas y faire des choses pour lesquelles elles n'ont pas été édifiées. Il a donc dit, rahimahullah, faslun wa yukrah izalatul awsakh fil masajid. Et il est détestable de se nettoyer, de retirer les saletés dans les mosquées. Kataqlim il athfar wa qasi sharib wa natfil ibt. Comme le fait de se couper les ongles, de se tailler la moustache ou s'épiler les aisselles. Tout ceci s'oppose aux soins qu'il convient d'accorder aux mosquées. L'imam Abu Daoud et d'autres ont rapporté de Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la construction des mosquées dans les lieux d'habitation et que celles-ci soient nettoyées et parfumées. Il est donc recommandé pour les musulmans de veiller à prendre soin des mosquées, en veillant à leur propreté, en veillant à ce que ces mosquées sentent bon, et ainsi de suite, parmi les choses qui permettent de concrétiser cela. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet homme qui avait uriné dans la mosquée, « Certes, ces mosquées ne conviennent pas pour y uriner, ni pour être souillé, mais elles ne sont que pour le rappel d'Allah, la prière et la lecture du Coran. » Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les activités qu'il convient de tenir dans la mosquée. Elles ont été édifiées en premier lieu pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela la prière, entre dans cela la lecture du Coran, entre dans cela les adhkar, le rappel d'Allah, le tasbih, et ainsi de suite. Et entre dans cela également l'apprentissage de la science et son enseignement. Tout ceci fait partie des activités qu'il convient de tenir dans les mosquées. Et les mosquées doivent être préservées d'autres activités qui s'opposent à cette sagesse immense pour laquelle elles ont été édifiées, qui est le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit ensuite والعمل والصناعة كالخياطة والخرز والحلج. Et il est détestable également de travailler dans les mosquées, d'en faire son lieu d'activité professionnelle, comme la couture. Et il mentionne également le fait de trouer le cuir, dégrainer les épis de coton, comme cela a été des activités courantes à cette époque. Donc tout ceci est détestable dans la mosquée. Et les gens de science ont dit que si ceci est fait à titre professionnel, c'est-à-dire pour en tirer un salaire, que la personne fait de la mosquée l'endroit où elle va coudre, ou l'endroit où elle va pratiquer une autre activité, de laquelle elle va tirer un salaire, alors ceci est interdit. Que cette activité soit longue ou courte dans la mosquée, qu'il y ait un besoin en cela ou non, même si la personne prend soin de la mosquée, elle ne doit pas faire de la mosquée son lieu de travail et d'activité de laquelle elle va tirer un salaire. Car ceci est semblable au commerce, et les mosquées n'ont pas été établies pour cela. Et certains parmi les gens de science ont exclu de cette interdiction certains travaux comme celui des scribes, qui, auparavant, recopiaient les livres de science. Ils prenaient les manuscrits et les recopiaient. C'est comme cela avant. Lorsqu'on voulait avoir un livre, il fallait ou bien le recopier ou bien payer quelqu'un qui le recopiait pour nous. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on le commande aisément et les livres sont disponibles avec abondance, non. Auparavant, il devait être recopié. Soit tu le recopiais toi-même, soit tu payais quelqu'un pour le recopier pour toi. Et lorsque quelqu'un qui avait des livres passait dans une ville ou un village, alors les gens de science s'empressaient vers cette personne pour savoir quels étaient les livres en sa possession afin de pouvoir les recopier ou les faire recopier. Et c'est pour cela qu'ils prenaient bien plus que nous en considération la valeur de ces livres et la valeur de la science. Car aujourd'hui, ces livres qui sont présents avec abondance, que l'on achète avec facilité, poussent parfois certains d'entre nous à s'en détourner, wallah al-musta'an. Donc ces scribes-là, certains savants ont dit qu'il n'y avait pas de gêne à ce qu'ils pratiquent leur activité dans la mosquée. Pourquoi? Car il y a un intérêt pour la science, donc derrière ce travail, il y a un intérêt religieux. Ils ont dit également, il n'y a pas de gêne pour celui qui sera chargé d'enseigner le Coran aux enfants, si celui-ci touche un salaire. Il n'y a pas de gêne à ce qu'il fasse cela dans la mosquée, Inch'Allah ta'ala. Et d'autres ont dit que pratiquer une activité de laquelle on va tirer un salaire est interdit dans la mosquée de manière absolue. Wallahu ta'ala, a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, wat-tijara, wa mashakala dhalik. Également, parmi les choses détestables, le commerce et autres choses semblables comme la location, par exemple. Donc, il nous dit ici que ceci est détestable, c'est-à-dire que ce n'est pas formellement interdit. Et ceci est l'avis qui a été choisi par Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Et la preuve que cela est détestable est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Lorsque vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dites-lui alors qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce. » Donc les savants qui ont considéré que cela est seulement détestable et non pas formellement interdit, ont dit que sa parole « Dites-lui qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce » sans informer de l'invalidité de cette vente est une preuve que celle-ci est valide, mais que ceci est une chose blâmable. Et d'autres savants comme Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et parmi les contemporains, l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ont dit qu'il est formellement interdit de vendre, d'acheter ou de louer ou de faire louer dans la mosquée. Que la chose vendue ou achetée soit peu ou abondante, que la personne qui achète ou qui vend en ait besoin ou non. Et ce car il est venu dans un autre hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente et l'achat dans la mosquée. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Par conséquent, ils ont dit que si une vente a lieu dans une mosquée, alors celle-ci est vaine. Cette vente est annulée, car l'interdiction revient à la vente en elle-même. Et si on voit quelqu'un qui pratique la vente, le commerce dans une mosquée, la sunna, afin de le blâmer et de lui dire « La arbahallahu tijaratak » qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce, à titre de blâme, car il a fait une chose qu'il ne convient pas de faire dans ces mosquées qui ont été établies et édifiées pour le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ces choses sont détestables si elles sont faites abondamment. Puis il dit, وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكْ إِذَا قَلْ. Et ceci n'est pas détestable si cela a lieu occasionnellement. مِثْلُ رَكْعِ ثَوْبٍ أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ أَوْ تَشْرِيكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا. Il dit à l'exemple d'une personne qui raccommoderait un vêtement, ou qui recoudrait la semelle de sa sandale, ou qui y mettrait des lacets si sa lanière a été coupée. En effet, il se peut qu'une personne se rende à la mosquée, la lanière de sa sandale se coupe, elle a besoin de la réparer, il n'y a pas de gêne qu'elle s'assoie dans la mosquée pour le faire tant qu'elle ne salit pas la mosquée. Donc ceci est une chose occasionnelle. Il nous dit ce qui est blâmable est de le faire de manière habituelle. C'est cela qui est détestable. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question qui concerne les bestiaux et il a dit Faslun wa la yajuz irsahul baha'im. Chapitre, et il n'est pas permis de castrer le bétail. La castration, il est rapporté que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, l'a réprouvé. Et les gens de science ont mentionné qu'il y a en cela également une souffrance pour le bétail sur lequel cela est pratiqué. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ici que ceci n'est pas permis. D'autres parmi les gens de science ont dit que cela est détestable, mais que cela n'est pas formellement interdit. Et ils ont dit que cela est détestable si la castration est faite sans besoin. Mais s'il y a un besoin ou une raison, alors il n'y a plus de gêne en cela. Imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que s'il y a un intérêt en cela, comme l'amélioration du goût de la viande de cette bête qui sera mangée, alors ceci est permis. Et la preuve à ce sujet est qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté deux béliers pour les sacrifier le jour de l'Eid, et parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils étaient castrés. Donc ceci démontre la permission. Donc certains parmi les gens de science ont dit que cela est permis pour tout animal comestible, tout animal que l'on va manger. Il n'y a aucune réprobation en cela car il y a un intérêt pour la viande. L'animal aura plus de chair à manger car il va ainsi plus grossir et également sa viande aura un goût meilleur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Et concernant les autres animaux, à l'exemple des chats, est-ce que cela est permis ou non? Les gens de science ont dit que s'il y a un intérêt en cela, ou que si cela permet de repousser un mâle, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, si les chats sont nombreux et nuisibles, et que cette opération ne leur nuit pas, alors il n'y a pas de gêne, car ceci est préférable au fait de les tuer après qu'ils aient été créés. Il dit, il est mieux de les castrer pour éviter qu'ils se reproduisent ou de les stériliser, plutôt que, comme le font certaines personnes, de les tuer après qu'ils se soient proliférés. Et ceci est un moindre mal. Ensuite, il dit, mais si les chats ne sont pas nuisibles, alors il se peut que les laisser se reproduire soit meilleur. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, aborde une autre question encore liée au bétail. Il dit, wala kayyuha binnar lilwasm. Et il n'est pas permis également de pratiquer sur le bétail la cautérisation afin de les marquer, c'est-à-dire afin de les marquer au fer rouge, qui consiste à faire une marque avec du fer chaud sur l'animal. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ceci n'est pas permis. Et il apparaît que il considère que ceci n'est pas permis de manière absolue, que ce soit sur le visage ou autre parmi les membres du corps. Puis il dit, وتجوز المداوة حسب ما أجازنا في حق الناس في إحدى الروايتين. Et cela est permis à titre de soin, à titre de traitement médical, comme nous l'avons permis concernant les gens, concernant les humains, dans une des deux narrations rapportées de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. On a vu dans un cours précédent la question de la cautérisation, et qu'elle est permise pour les êtres humains, s'il y a un intérêt en cela pour les soins. Donc à plus forte raison, cela sera permis pour les animaux, si l'objectif est de les soigner. Et les gens de science ont dit que l'aferrad, le fait de marquer le bétail au fer rouge, pratiquer la cautérisation sur eux, est interdit si cela est fait sur le visage. Et Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a rapporté l'unanimité des gens de science à ce sujet. La preuve est le hadith rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Jabir, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un âne passer devant lui qui avait été marqué au fer sur son visage. Il a alors dit qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué. Qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué. Donc on voit que ceci relève même des grands péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit son auteur. Il n'est donc pas permis de marquer le bétail sur le visage. Ceci est formellement interdit à l'unanimité des gens de science. Si cela est fait sur un autre membre que le visage, pour des soins comme on a dit ou autres raisons justifiées, alors ceci est permis, inshallah ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que ceci est même recommandé si l'objectif est que le gouverneur marque le bétail qui a été récolté de la zakat ou de la jizya. et ceci doit être fait sur un autre membre que le visage. En effet, il est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas, radiyallahu anhu, qu'il l'a vu alors qu'il marquait les chameaux de l'aumône. Et dans une autre narration, rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il marquait les moutons, les ovins. Et Shu'ba, rahimahullah ta'ala, a dit que ceci a lieu au niveau des oreilles. C'est-à-dire que si le bétail de la sadaqa, de l'aumône et de la jizya a besoin d'être marqué afin de le distinguer du reste du bétail, alors concernant les ovins, ils seront marqués sur leurs oreilles. Et concernant les chameaux et les bovins, ils seront marqués au niveau de leurs cuisses. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Car ceux-ci sont des parties de leur corps qui sont fermes, sur lesquelles ils ne vont pas ressentir beaucoup de douleur, et également sur lesquels il n'y a pas beaucoup de poils, ainsi le marquage pourra être visible et l'objectif sera ainsi atteint, inshallah ta'ala. » Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé une toute autre question, qui fait partie des questions très importantes liées au bon comportement et qui concerne la bonté envers les parents. Il a dit, rahimahullah, « Faslun » وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ wajib. Chapitre « Et la bonté envers les parents est une obligation. » Il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'être bon envers ses parents. Et la bonté, c'est quoi? C'est être bienfaisant envers eux, être à leur service, faire ce qui leur plaît, les réjouir, les faire rire, les faire sourire, subvenir à leurs besoins. Et ainsi de suite parmi les nombreuses actions qui font partie de la bonté. Et ceci est une obligation, même si ses parents sont mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Il ordonne la chose la plus importante de la religion qui est le tawhid. Et il interdit le péché le plus grave qui est le shirk. Et après cela, immédiatement, qu'est-ce qu'il mentionne? Et soyez bienfaisants envers les parents. Ceci nous démontre l'importance de cette adoration et de ce comportement immense qui est attendu de tout musulman et toute musulmane. Comme on a dit, même s'ils sont mécréants. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux tentent de te contraindre à me donner comme associé ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas s'ils t'ordonnent le shirk. Et n'ordonne le shirk qu'une personne mécréante. Donc s'ils t'ordonnent le shirk, ne leur obéis pas. Et s'il t'ordonne tout péché, ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et tiens-leur compagnie convenablement en ce bas monde. Reste bon envers eux. Sois bienfaisant envers eux. Garde le meilleur des comportements envers eux, car ils sont tes parents. Et ils ont sur toi un droit immense. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Quelle est l'œuvre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime le plus de ses serviteurs? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, la prière en son temps. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, désireux d'en savoir plus et de connaître d'autres actions aimées par Allah, lui dit, après quoi? Après la prière en son temps, quelle est la meilleure action? L'action la plus aimée par Allah? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ensuite, la bonté envers les parents. La bonté envers les parents. Puis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de dire. Puis ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, la lutte sur le sentier d'Allah. Allahu Akbar. Médite ici sur le fait qu'il a mentionné la bonté envers les parents avant même la lutte sur le sentier d'Allah. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc il te démontre l'importance de cette adoration immense, qu'il ne convient en aucun cas de négliger. Et chacun d'entre nous, parmi ceux qui ont leurs parents ou un de leurs parents encore vivant, doit être conscient qu'ils sont une porte parmi les portes du paradis. C'est-à-dire que la bonté envers eux fait partie des moyens te permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à entrer dans son paradis. Il ne convient donc pas de négliger cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Su'il al-imam Ahmad, rahimahullah, an birri al-walidain, afardun hu, faqala la aqulu fardun, walakinnahu wajib. » L'imam Ahmad a été interrogé au sujet de la bonté envers les parents. Est-ce que cela est un fard? Est-ce que cela est une prescription? Il répondit, je ne dis pas que c'est un fard, mais je dis que c'est un wajib. Je dis que c'est une obligation. Donc ceci est basé sur un des avis rapportés de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, faisant la distinction entre al-fard et al-wajib, la prescription et l'obligation, et soutenant que la prescription est un niveau ou un degré d'obligation plus élevé. Et un autre avis mentionne qu'il n'y a pas de distinction en réalité entre al-fard et al-wajib, entre la prescription et l'obligation, mais que ce sont deux synonymes. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَا يَجُوز طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى » Et il n'est pas permis de leur obéir dans la désobéissance à Allah. C'est ainsi qu'il l'a stipulé, c'est-à-dire Ahmed, rahimahullah, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah. Et dans un autre hadith, il est venu, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance, l'obéissance n'est que dans le convenable. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir mentionné l'obligation d'être bon envers les parents, et entre dans cette bonté le fait de leur obéir, d'être à leur service, il attire notre attention sur une question importante. Cette bonté, malgré son rang immense, elle ne doit pas te pousser à leur obéir dans le péché et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il t'ordonne de délaisser une obligation, de délaisser le pèlerinage obligatoire par exemple, de délaisser la prière, de délaisser un voyage qui te permettrait d'apprendre une science obligatoire, de délaisser la hijra qui est une obligation pour toute personne vivant en terre de mécréance dans laquelle elle ne peut pas extérioriser sa religion. S'il t'ordonne de délaisser ces obligations, alors il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah. Car ces choses sont des choses ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, s'il t'ordonne de commettre un péché, s'ils ordonnent à leur fille de sortir sans être voilée, ou s'ils ordonnent à leur fils de se raser la barbe, ou autre chose parmi les péchés, alors il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas leur obéir en cela. Également, s'ils t'ordonnent de participer à des festivités parmi les festivités innovées ou parmi les festivités des polythéistes, comme les fêtes de fin d'année ou autre chose semblable, alors ceci ne fait pas partie de la bonté que de participer avec eux. Mais ceci est un péché, et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne fait pas partie de la bonté de t'associer à eux dans le péché, comme de participer avec eux à ces festivités, ou de t'asseoir à une table où il y a de l'alcool ou des choses interdites comme du porc ou de la viande morte et ainsi de suite. Il ne fait pas partie de la bonté de t'asseoir avec eux pour leur tenir compagnie, alors qu'ils sont assis devant la télé en train de regarder des choses interdites, et ainsi de suite parmi les exemples que l'on pourrait mentionner. Tout ceci ne fait pas partie de la bonté, et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, s'il t'ordonne une chose qui ne te concerne pas directement, qui les concerne eux, mais qui revient à les aider dans le péché. Par exemple, un parent demanderait à son enfant de l'emmener dans un endroit pour commettre un péché. Alors cet enfant ne doit pas lui obéir et ne pas l'emmener. Ou alors, comme cela peut être le cas de certains parents, Wallahul Musta'an, qui demanderaient à leurs enfants de leur acheter des choses interdites, de l'alcool, des produits stupéfiants, des cigarettes. Ils lui donnent de l'argent et lui disent « va m'acheter cela ». L'enfant ne doit pas l'acheter, car ceci est un péché, et ceci revient à les aider dans le péché, donc il refuse. Ils ne participent pas au péché, et ceci ne s'oppose pas à la bonté. Ils continuent d'être bons envers eux, dans d'autres domaines et dans d'autres situations, mais ils ne leur obéissent pas dans le péché. Reste à savoir, qu'en est-il si les parents ordonnent le délaissement d'une chose recommandée, ou de faire une chose qui est détestable, ou alors s'ils ordonnent une chose qui est permise. Qu'en est-il? Les gens de science ont mentionné que si les parents ordonnent le délaissement d'une chose qui est recommandée, on regardera premièrement, est-ce que cette chose nécessite un voyage? Si par exemple, ils ordonnent le délaissement d'un pèlerinage ou d'une umra surérogatoire. La personne a déjà fait son pèlerinage obligatoire et elle veut l'accomplir à nouveau à titre surérogatoire. Et ses parents lui interdisent et lui ordonnent de rester à leur côté. Que doit-il faire? La réponse est que dans cette situation, il se doit de leur obéir. Pourquoi? Car un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé l'autorisation de partir au combat, de partir lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Tes parents sont-ils encore vivants ?» L'homme répondit que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, « C'est en eux que tu dois lutter. C'est en eux que tu dois lutter, c'est-à-dire c'est auprès d'eux, en étant bon envers eux que tu dois lutter. C'est ainsi que tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. » En effet, rester auprès de ses parents, prendre soin d'eux, être à leur côté, être bienveillant et bienfaisant envers eux, est bien meilleur que le fait de voyager pour accomplir une adoration qui est surérogatoire. On parle bien ici de l'adoration surérogatoire, attention. On ne parle pas du pèlerinage obligatoire, on ne parle pas de la hijra qui est obligatoire, mais on parle de voyage surérogatoire. Quelqu'un qui veut aller faire une umra surérogatoire et ses parents lui disent « Je veux que tu restes à mes côtés. » Il reste auprès d'eux. Il s'occupe d'eux, il est bon envers eux. Et ceci est meilleur pour lui. « Bi'inillahi ta'ala » car la bonté envers les parents est une obligation individuelle. Elle passe donc avant les actes qui sont surérogatoires. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a précisé un point important concernant le voyage pour la science. Lorsqu'un homme veut voyager pour la science qui est recommandée, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'apprendre tout ce qui lui incombe de connaître sans voyager, d'apprendre sa croyance, d'apprendre les règles de ses ablutions, de sa prière, etc. Tout cela, il peut l'apprendre sans voyager. Mais il veut voyager vers une personne de science ou dans un institut pour augmenter ses connaissances, à titre surérogatoire. Mais ses parents lui interdisent. Que doit-il faire? Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure est que ses parents ont besoin de lui. Dans ce cas-là, leur obéir est meilleur que de voyager pour la science. Car s'ils ont besoin de lui, il est meilleur pour lui de rester auprès d'eux et de s'occuper d'eux. Le deuxième cas de figure est que ses parents n'ont pas besoin de lui. Ou bien, ils s'assument eux-mêmes et n'ont besoin de personne, ou alors il a des frères et sœurs qui s'occupent d'eux. Il n'est pas indispensable. Dans ce cas-là, il nous dit, rahimahullah, qu'il n'est pas obligatoire de leur obéir. Mais il peut voyager. Le troisième cas de figure est que ses parents lui interdisent de voyager car ils ont de la répulsion pour l'apprentissage de la science légiférée, comme le cas de parents mécréants par exemple, ou alors de parents innovateurs, ou alors de parents qui sont plongés dans l'ignorance et l'insouciance et réprouvent que leur enfant voyage pour aller apprendre la science. Dans ce cas-là, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'il n'a pas à leur obéir et qu'il n'a même pas à leur demander la permission de partir. Car leur interdiction ici, elle est basée sur une raison qui n'est pas légitime. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, qu'en est-il si les parents ordonnent le délaissement d'un acte recommandé qui ne nécessite pas de voyager? À supposer qu'ils interdisent à un de leurs enfants de faire des prières surérogatoires. Ils lui interdisent de prier la nuit, ils lui interdisent de jeûner le lundi et le jeudi. Alors dans cette situation, il n'est pas obligatoire de leur obéir, mais l'enfant fera attention à ne pas les blesser et il ne leur montrera pas ouvertement qu'il n'a pas obéi à ce qu'ils ont ordonné. Ainsi, il réunira entre les différents intérêts, il pratiquera son adoration, que ce soit le jeûne ou la prière surérogatoire ou autre, et il veillera également à être bon et à ne pas mettre en colère ses parents. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, mentionnant une précision importante, « S'il t'ordonne de délaisser des actes surérogatoires, on analysera alors la situation. S'ils ont besoin que tu fasses une chose que tu ne pourras pas faire si tu es occupé par cette adoration surérogatoire, alors obéis-leur. » Alors obéis-leur. Ils ont besoin que tu fasses une chose pour eux que tu ne pourras pas faire si tu jeûnes, par exemple, en raison de la faiblesse engendrée par le jeûne. Donc ils te disent « Ne jeûne pas, car demain j'ai besoin de toi pour des travaux. » Dans ce cas-là, tu te dois de leur obéir concernant le jeûne surérogatoire. Et le Cheikh Al-Uthaymin nous mentionne un autre exemple et il dit « Comme le fait qu'un père dise à son enfant « Attends les invités et ne fais pas la prière surérogatoire. » Il vient de rentrer de la mosquée de la prière d'Adh-Dhuhr et il y a des invités qui vont arriver. Et il veut que son fils accueille les invités. Il lui dit donc « Attends que les invités arrivent et ne fais pas la prière surérogatoire. » Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Dans ce cas-là, il est obligatoire de lui obéir. » Car il y a une raison légitime en cela. Il a besoin de toi, il a besoin que tu l'aides à faire une chose, il a besoin que tu accomplisses quelque chose que tu ne pourras pas faire si tu es occupé à l'accomplissement d'un acte surérogatoire. Donc tu délaisses cet acte surérogatoire jusqu'à pouvoir faire ce qu'il t'a demandé, et ensuite, s'il te reste du temps, nul gêne à toi d'aller faire ta prière surérogatoire. Ensuite il dit, rahimahullah, mais s'il te dit, ne fais pas la prière de la matinée, car il a la répulsion pour les prières surérogatoires, pour les actes surérogatoires. Alors dans ce cas-là, ne lui obéis pas, mais dans la mesure du possible, veille à ne pas le faire ouvertement. Ne prie pas la prière qu'il t'a interdit de prier devant lui, mais prie-la à un endroit où il ne te verra pas. Et il n'y a pas de gêne en cela. Inch'Allah ta'ala, car en priant, tu ne lui causes aucun tort, au contraire. Donc tu vas accomplir ton adoration surérogatoire et tu vas veiller à la bonté envers ce parent qui te l'a interdit, hein, ne le faisant pas ouvertement. Reste à savoir qu'en est-il s'il t'ordonne une chose qui est permise. Les gens de science ont dit que, dans cette situation, il est obligatoire de leur obéir d'après la généralité des preuves. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a mentionné qu'on fera la différence entre deux cas de figure. Le premier cas est que leur obéir te porte préjudice, qu'il y ait une nuisance pour toi. Alors dans ce cas-là, il ne sera pas obligatoire de leur obéir. Car les obligations religieuses, la personne en est dispensée en cas de nuisance. Donc de la même manière, l'obéissance aux parents, on en est dispensé en cas de nuisance. Le deuxième cas de figure est qu'il n'y ait pas de nuisance ni aucun préjudice à leur obéir, dans cette chose permise qu'ils ont ordonnée. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire de leur obéir si ceci est une chose qui leur est profitable, même si cela est difficile pour toi. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné d'autres comportements et il a dit « Faslun wa yukrah al-ittikahu ala yusra yaday min wara'i dhahrihi » et il est détestable de s'appuyer sur sa main gauche en la posant derrière son dos. Le fait d'être assis, en mettant sa main gauche derrière son dos, en s'appuyant sur celle-ci sur la peau qui se trouve en dessous du pouce, en s'appuyant sur cet endroit de la main que l'on pose derrière le dos. Ceci est détestable, car un compagnon rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu assis de cette manière, alors qu'il avait posé sa main gauche derrière son dos et qu'il s'était appuyé sur la peau qui se trouve en dessous de son pouce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « T'assois-tu à la manière de ceux qui ont encouru la colère ?» Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, « Al-Mardoubi alayhim » Donc ceci nous montre que cette manière de s'asseoir est une manière détestable. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit « Si la personne met ses deux mains derrière son dos et qu'elle s'appuie sur ses deux mains, alors il n'y a pas de mal. Et si elle met sa main droite derrière son dos, alors il n'y a pas de mal également. Mais ce qui est détestable est de s'appuyer sur la main gauche de la manière que l'on a mentionnée. » Ensuite il dit, rahimahullah, « وَيُكْرَهْ أَلْجُلُوسْ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلْ » Et il est détestable de s'asseoir entre le soleil et l'ombre. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, et il a dit c'est l'assise du diable. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous est assis à l'ombre, et que l'ombre diminue, et qu'une partie de lui se trouve au soleil et une autre partie à l'ombre, alors qu'il se lève, c'est-à-dire qu'il change de place, qu'il ne reste pas assis entre l'ombre et le soleil. Et quelle est la sagesse en cela? Pourquoi ceci est-il détestable? Les gens de science ont mentionné premièrement, comme cela est venu dans le hadith, c'est l'assise du diable. Et il ne convient pas à l'homme de s'asseoir de la même manière ou aux mêmes endroits que le diable. Deuxièmement, ils ont mentionné une sagesse immense, qui est la perfection de l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour la justice et l'équité. Méditez ici cette interdiction de t'asseoir entre l'ombre et le soleil. Ceci est une forme d'injustice en réalité, car une partie de ton corps sera à l'ombre et l'autre au soleil. Et l'équité est que tu les mettes ou tous à l'ombre ou tous au soleil. C'est pour cela que ceci est détestable, car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment la justice et l'équité. Et entre dans cela également l'interdiction de marcher avec une seule chaussure. Soit la personne marche avec deux chaussures, soit la personne les retire toutes deux. Mais elle ne marche pas en ayant un seul de ses pieds chaussé, car ceci est une injustice pour le pied qui n'est pas chaussé, en plus d'être la manière de marcher du diable. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre question et il a dit « Faslun, wa yustahabbu an yaqula inda an-nuhuli min al-majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, fahiya kaffaratul majlis. » Et il est recommandé de dire lorsqu'on se lève suite à une assise, lorsqu'on quitte une assise, « Subhanakallahumma wa bihamdik, pureté à toi, ô Allah, et à toi les louanges. La ilaha illa ant, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de toi. Astaghfiruka, j'implore ton pardon. Wa atubu ilayk, et je me repens à toi. » L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, ceci est une expiation de l'assise. C'est-à-dire que c'est une manière d'expier les paroles mauvaises qui auraient pu être prononcées durant cette assise. Et cette invocation est légiférée, même si tu te trouves dans une assise de bien, comme une assise de science, une assise de rappel d'Allah, une assise d'apprentissage du Coran ou autre assise semblable. Car il est venu dans le hadith, rapporté par Ahmad al-Nasai et authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Aisha radiallahu anha au sujet de ses paroles. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si la personne prononce du bien, alors ceci sera un sceau sur ses paroles jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire elles seront scellées, ses paroles de bien. Et ensuite, il en tirera profit au jour de la résurrection. Et il dit, et s'il a parlé par autre que cela, par autre que le bien, alors cette invocation sera une expiation. Elle expiera les manquements qu'il y a pu avoir dans cette assise. Toutefois, il est à souligner que s'il y a des paroles qui ont été prononcées dans cette assise portant préjudice à d'autres personnes, comme la médisance, le mensonge, la calomnie, alors la prononciation de cette invocation ne suffira pas. Mais il sera impératif de réparer les torts causés, comme on l'a vu lors du cours sur les méfaits de la langue et de la médisance. Ensuite, parmi les choses bénéfiques à mentionner ici également, il y a ce qui est rapporté par At-Tabarani rahimahullah ta'ala et authentifié par Al-Albani rahimahullah ta'ala concernant le fait que lorsque deux hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient puis se séparaient, ils ne se séparaient pas avant que l'un d'entre eux récite à l'autre Surat al-Asr. Wa al-Asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et après cela, ils se saluaient l'un et l'autre. Il faisait cela car il y a dans cette sourate une exhortation immense. Il se rappelle qu'ils sont tous en perdition sauf s'ils se parent de ces quatre caractéristiques mentionnées dans cette sourate. La foi, les œuvres pieuses, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et le fait de s'enjoindre mutuellement l'endurance. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé ce livre en mentionnant trois choses que nombre de gens de science ont dit qu'il aurait convenu de mentionner à d'autres passages du livre. Et il aurait été plus convenable de terminer ce livre par la mention de cette invocation qui est à prononcer en fin d'assise. Toutefois, il a dit « وَيُكْرَهْ الْجُلُوسْ فِي ذِلِّ الْمَنَارِ » et il est détestable de s'asseoir à l'ombre du minaret. Ils ont dit « il se peut qu'il ait mentionné cela car le minaret, étant donné qu'il est fin, son ombre sera courte en général. Et celui qui s'assoit à l'ombre du minaret, il risque probablement de se retrouver entre l'ombre et le soleil. Et c'est pour cela qu'il est détestable de s'asseoir à cet endroit. Et ce qui est juste est de dire que cela n'est pas détestable en soi, mais cela est détestable seulement si il s'assoit entre l'ombre et le soleil, car il n'y a pas de preuve démontrant l'interdiction ou la réprobation de s'asseoir à l'ombre d'un minaret. Ensuite, il dit « وَكَنْسُ الْبَيْتِ بِالْخِرْقَةِ » et il est détestable également de balayer sa maison avec une pièce de tissu, un chiffon ou autre. Et ici, certains parmi les gens de science ont mentionné qu'ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers cette parole. Car il n'y a aucune raison d'interdire cela, et on ne trouve aucune preuve démontrant cette réprobation. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, il dit « وَشُرْبْ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَا » et le fait de boire à l'endroit où le récipient est fissuré. Et ce comportement, il aurait convenu de le mentionner dans les politesses liées au repas. Cela aurait été plus convenable et plus approprié. Donc ceci est détestable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire sur la fissure du récipient. C'est-à-dire que s'il y a un récipient qui a une fissure, on ne boira pas du côté où il est fissuré, mais on boira de l'autre côté. Et ce car, en buvant sur le côté fissuré, il se peut que, premièrement, la personne se blesse en raison de cette fissure qui peut être tranchante. Deuxièmement, dans cette fissure, il se peut que s'accumule certaines saletés et qu'ainsi il avale ces saletés en buvant. Et également, il se peut que l'eau coule par cette fissure et qu'il se mouille ainsi le corps ou les vêtements et autres parmi les méfaits qui pourraient se produire pour cette raison. Donc ceci est une chose qui est détestable. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine et dit « فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْآدَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ » Ceci était donc un ensemble de politesses et c'est Allah qui facilite et qui accorde le suivi de ce qui est juste. Et c'est ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé cet excellent ouvrage et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser pour cela et de nous permettre et de nous faciliter la mise en pratique de ces nobles comportements et de ces politesses et de nous compter parmi ceux qui ont les meilleurs des comportements car ce bon comportement fait partie des choses les plus lourdes dans la balance au jour de la résurrection. On a donc terminé ce livre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était juste ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.